Maman, elle a dit non, on a pu faire une petite partie en mer. Elle a dit il y a des livres, ça met les livres, ça prend rien. Non, elle n'a pas vu l'application, ça ne marche pas. Thank you. Graines Avo. Petit Sablon. Get up for the land, tussen het voertuig en het perron, per uitstappen. En descendant, faites attention à l'écart entre le véhicule et le quai. Please mind the gap between the vehicle and the platform when you alight. Please mind the gap between the vehicle and the platform when you alight.